Mais non, on fait ça régulièrement, mais pas assez souvent. On aime ça, c'est écouter des chansons de chroniques ou d'émissions dans l'univers Mathieu Plante. Donc voici les paroles des autres. Voici, on écoute la chanson thème du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. c'était les paroles des autres. On a entendu la chanson thème, en fait la musique thème, je devrais dire, du Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Oui, il y a une différence. Musique thème n'a pas de paroles, étrangement. C'est pas mal ça, la définition même de la chose. Donc, c'est la chanson In the Basement par Adam Managuchi sur leur excellent album Modern Endless Fantasy. J'allais dire Modern Fantasy. Endless Fantasy. Vraiment bon du début à la fin, sauf les chansons pop avec une petite fille qui chante dessus comme full asiatique. C'est bon pareil, mais c'est très pop. Mais le reste de l'album est très chiptune, comme j'en joue au Mathieu Plante Show. Musique style de jeu vidéo, mais c'est un vrai band. Il y a des versions live de la chanson In the Basement sur YouTube. Il y en a 2-3. Et c'est aussi bon. On voit qu'il joue vraiment de la guitare et de la batterie et tout ça dessus. C'est ce qui fait que c'est original dans le domaine du chiptune. C'est tellement accrocheur comme pièce. Incroyable. Mais et c'est comme ça que je choisis des chansons thème pour mes émissions. Vous le savez, avec la chronique Les Paroles des Autres, on écoute des intros de chroniques et d'émissions dans l'univers Mathieu Plante. Et c'est toujours les chansons thème d'émissions et non pas de chroniques sont toujours choisies en fonction qu'il y ait un creux pour annoncer le début de l'émission et un creux pour, dans ce cas-ci, annoncer mon nom et un bon timing pour redescendre pour pouvoir parler par-dessus. Donc j'ai choisi comme ça. Même si c'était la meilleure chanson du monde, une autre chanson que celle-là. Je la choisirais pas parce qu'elle a pas les bons timings. Celle-là, elle avait le timing, le fait que c'est la meilleure chanson du monde et parfait. Tout en même temps pour le Mathieu Plante Show, je capote sur cette chanson-là. Adam Managuchi, qui est un groupe de rock indépendant chiptune originaire de New York, qui fait de la musique rapide et bruyante avec une NES de 1985 hackée, disent-ils. Le groupe comprend 4 membres, le guitariste et programmeur Peter Berkman, le bassiste James DeVito, le guitariste Harry Warner et le batteur Luke Silas. Comme beaucoup d'autres artistes chiptune, la musique d'Adam Managuchi est réalisée avec des synthétiseurs peu conventionnels, c'est une NES hackée et un Game Boy. Cependant, contrairement aux autres groupes, Adam Managuchi utilise également une guitare électrique, une basse et une batterie par-dessus la musique synthétisée pour créer un mélange de sons numériques et traditionnels. C'est pour ça que je les adore. Adam Managuchi, ça s'écrit comme ça se prononce, mais avec beaucoup trop de syllabes. C'est le frère du Tamagotchi. Tamagotchi, c'est ça exactement. You got it. Voilà pour les paroles des autres, on fait ça une fois de temps en temps quand ça donne à Assemblage Requis. Là, ça a donné, puis c'était le fun, c'était bien placé. C'est ça. Je suis contente, fait du bien. Merci.